بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 23 بعد 300 123 لسون تجي ما تقوم با دون لوردر. يقول المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى في السؤال 17 بعد 1000 1017 كيسيون ما حكم اكل لحم الحمار الوحشي quand est-il de manger de la chair d'âne sauvage. Donc cette chair d'âne sauvage elle est halal comme dans le hadith de Abu Qatada qui sortit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui et d'autres sahaba, et que ceux-ci étaient, ils étaient muhrim, ils étaient en état de sacralisation. Et lui, Qatada, ne l'était pas. Fa'ra'u himaran wahshiyan, donc ils ont vu un âne sauvage. Donc eux, comme ils étaient muhrim, le muhrim n'a pas le droit de chasser, donc ils n'ont rien fait. Qatada, lui, il est monté sur sa monture, d'accord, et il a pris en chasse cet âne sauvage et l'a tué. Puis, ils en mangèrent. Et par la suite, ceux qui étaient muhrim ont regretté d'en avoir mangé. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les rejoint, il lui dit ce qu'ils ont fait et il leur demanda ce qu'il vous reste une part. Hal ma'akum shay? Qala ma'ana rijluhu. Il reste avec nous sa patte. Donc il l'a pris, il l'a mangé. Il l'a pris, il l'a mangé. Donc ce qui prouve que l'âne sauvage est permis. Thumma qala fi su'al 18 ba'd 1000, 1118e question ou 1018e question, ma hukm akl lahm al-himar al-ahli? Maintenant, qu'en est-il de manger de la chair de l'âne domestique? Cela n'est pas permis. Par contre, contrairement à celui qui est sauvage. Et dès le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yom khaybar, an l'hum l'humur, l'ahliya, wa rakhasa fi l'khayir. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jour de khaybar de manger la chair de l'âne domestique, mais il a permis de manger du cheval. Le cheval, c'est permis. Muttafaqun alayhi. ثم قال في السؤال 19 بعد 1000 1019 question ما هي الجلالة؟ Qu'est-ce que la jalala? C'est l'animal en fait يلتي تأكل النجاسات والكذورات. C'est l'animal en fait qui se promène en liberté mais qui mange dans les choses impures comme dans les poubelles, ce genre de choses. Par exemple un coq ou voire même un mouton. Un animal qui est libre, d'accord, mais qui mange de n'importe quoi. Et dans ce qu'il mange, on est sûr qu'il a mangé des najasat, des choses impures. Donc ça s'appelle al-jallala. Donc lui, on n'a pas le droit de le manger. D'accord. Comme cela va venir dans la question, la 1020e question. Quand les mahoukm akluha, qu'en est-il d'en manger? Quand les haram, walakin, tourbes muddat min al-zaman. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'en manger, cependant, on le retient un certain temps. Hatta yusafu lahmaha. Jusqu'à ce que sa chair devienne pure, c'est-à-dire qu'il mange des choses pures, ce qui va faire partir les choses impures qu'il a mangées. Et à ce moment-là, il pourrait être comestible. D'accord, l'animal, on le retient 3-4 jours, ça dépend, qu'il se nourrisse de choses pures, ce qui va le nettoyer, le purifier, et de là, il sera mangeable. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, قال أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانة. Il n'est pas permis de manger le jalala ni de boire de son lait. أخرجه أبو داود. قال في السؤال 21 بعد 1000 1021 question متى تذبح العقيقة؟ À quel moment doit-on égorger la aqiqa, c'est-à-dire l'animal que l'on égorge pour la naissance? Pour les garçons c'est deux moutons et pour la fille c'est un mouton. Donc قال في اليوم السابع من الولادة. Ce qui est recommandé c'est de faire l'égorgement le 7e jour après la naissance. Maintenant ce n'est pas obligatoire mais c'est le meilleur jour pour le faire. Et le jour également pour nommer l'enfant. والدليل حديث سمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحرق ويسمى. Il a dit que chaque enfant lui rattachait sa aqiqa. D'accord. Celle-ci a lieu le 7e jour, c'est le même jour où on le rase la tête et on le nomme. أخرجه أحمد. قال في السؤال 23 بعد 1000 1023e question كم الضيافة الواجبة؟ Combien de temps est le fait l'invitation obligatoire quand quelqu'un vient, un étranger par exemple, un voyageur, combien de temps il est obligatoire de le garder chez soi lorsqu'on est invité? قال يوم وليلة والمستحب ثلاثة أيام. L'obligatoire c'est un jour et une nuit, et ce qui est recommandé ce sont trois jours. Et le dalil c'est le hadith de Abi Shuraih الجزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم والليلة. Il a dit que l'invitation, c'est 3 jours. D'accord? Et le minimum à faire, c'est un jour et une nuit. ثم قال في السؤال الخامس وعشرين بعد ألف 1025 question. قال متى أو ماذا تحرم الرضاعة؟ Qu'est-ce que l'allaitement rend interdit? Une femme qui allait un enfant, qui n'est pas le sien. Tuharim ma yuharam en asab. C'est-à-dire que cet allaitement rendra interdit ce que rend interdit les liens de parenté, c'est-à-dire la généalogie et les liens biologiques, comme le frère et la sœur. Comme dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qu'alait, qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yahroum min al-radaa'a ma yahroum min al-nasab. Que l'allaitement rend interdit ce que rend interdit l'affiliation de parenté. C'est-à-dire qu'une femme, elle allait un enfant, cet enfant pendant les jours de son fils. Et par rapport à ses enfants, il sera leur frère. Donc il n'est pas permis pour cet enfant de se marier avec les filles de cette femme qui aura allaité, par exemple. ثم قال في السؤال السادس وعشرين بعد ألف 1026e question. كم عدد الرضاعات المحرمة؟ Maintenant, combien de fois cet allaitement doit-il avoir lieu afin de que ce jugement soit effectif? Et c'est 5 allaitements. C'est-à-dire que cette femme allaite 5 fois cet enfant. Et qu'il soit comblé, rassasié. D'ailleurs, qu'il soit rassasié. Comme dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, قالت أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. Qu'elle a dit, radiallahu anha, que dans le Coran, il y avait un verset qui disait que c'était 10 allaitements qui rendaient les liens de parenté. Comme ceux de des liens biologiques. Par la suite, ces versets ont été abrogés par 5 allaitements. Là, c'est parmi les hadiths qui montrent que la sunna peut abroger le Coran. C'est un exemple qui a été donné. Il n'y a pas unanimité sur le sujet, mais c'est l'avis qui paraît comme étant le plus proche. Wallahu ta'ala alam. Et le hadith apporté par muslim. ثم قال في السؤال السابع عشرين بعد ألف 1027e question. كم الرضاعة التامة؟ Maintenant, c'est quoi l'allaitement complet? De façon générale, c'est حولين كاملين, 2 ans. D'accord? Que l'enfant soit allaité durant 2 ans. والدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Et que les mères doivent allaiter leur enfant 2 ans complets pour ceux qui veulent compléter justement cette رضاعة. C'est-à-dire que cette rada'a, cet allaitement est obligatoire tant que l'enfant le réclame pendant 2 ans. S'il arrête de réclamer avant, pas de mal à arrêter. D'accord? Et s'il dépasse un peu, pareillement, ce n'est pas nul grief sur la mère. Mais ce qui est légiféré, c'est 2 ans. 2 ans. Dame. ثم قال في السؤال 28 بعد 1000. 1028e question. كم عدة المطلقة غير الحامل. Maintenant, une femme qui était rendue, qui a été divorcée, c'est quoi sa période de viduité? La période dans laquelle elle ne peut pas se remarier et qu'elle est toujours considérée comme étant la femme de l'homme qui l'aura divorcée. Donc c'est Salat Sakuro. وَإِنْ كَنَتْ يَائِسَ أَوْ صَغِيرًا فَثَلَثَ أَشْهُرٍ وَالدَّلِيلُ قَالُوا تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُو Surat al-Baqara. Donc elle a droit, elle, à 3 cycles. C'est quoi 3 cycles? C'est-à-dire qu'elle doit avoir 3 menstrues et ils sont purifiés. D'accord? 3 menstrues et la 3e menstrue, elle s'en est purifiée. De là, on liait les 3 couraux. Un corps, c'est 1 cycle. Et les ulama, ils ont divergé, ils ont dit que non, qu'un corps, c'est 1 mois. Il y a une divergence par rapport à cela. Et ce qui paraît comme étant le plus proche, c'est que c'est 3 cycles et qu'elle s'est purifiée. À partir de ce moment-là, si jamais elle a fait cela, À partir du moment où elle est purifiée, elle n'est plus la femme de l'homme s'il n'a pas récupéré. Elle sort de sa ida, c'est fini. Elle n'est plus sa femme. Et cela a lieu, il a le droit de le faire deux fois. Troisième fois, elle est divorcée. Elle n'est plus licite sur le champ tant qu'elle ne se remarie pas avec un autre homme. C'est-à-dire un homme, il a une femme, il la divorce. Par exemple, pendant ces trois cycles, elle reste sa femme. Elle reste chez lui, elle a toujours les mêmes droits. Et lui aussi, sauf qu'il ne la touche pas, il ne l'approche pas. Si jamais il l'approche ou qu'il la récupère, elle redevient sa femme automatiquement, normalement. C'est-à-dire que le talaq, il est annulé. Le divorce, il est annulé. Tandis que si elle ne la touche pas, il n'approche pas, il reste sur sa décision, pendant ces trois cycles, jusqu'à ce qu'elle se purifie, à la fin de ce troisième cycle après la purification, elle n'est plus sa femme. Si il a récupéré entre-temps, il la redivorce, il a le droit une deuxième fois de la redivorcer. Elle a droit encore à trois cycles avec une purification, à la fin du troisième cycle. S'il la récupère avant cela, le divorce il est annulé. Si jamais il ne la récupère pas, elle devient une étrangère. Et par la suite, si il fait un troisième divorce de cette même femme, immédiatement sur le champ, elle n'est plus sa femme. D'accord ? Cependant, elle, avant qu'elle ne se remarie, elle doit refaire ses trois cycles et sa purification pour se remarier avec un autre homme. Mais lui et elle, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme et que cet autre homme la redivorce, là, alors, il lui sera permis de retourner vers son mari, le premier qui l'a divorcé. Sans quoi, elle est une étrangère pour lui, on appelle Ba'ina. D'accord ? Ba'ina. Et celle qui, par contre, n'a plus de menstrues, d'accord ? Ou celle qui est jeune en âge, qui n'a pas encore ses menstrues, qui a été mariée avant la puberté, elle, c'est 3 mois. Si jamais son mari la divorce, c'est 3 mois, et non pas 3 cycles. والدليل قوله تعالى والذي ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر ولا لم يحضن. Donc il a dit celles qui n'espèrent plus avoir de menstrues parmi vos femmes, si jamais vous les délaissez, alors elles auront droit à 3 mois, également ceux qui sont jeunes qui n'ont pas encore leur menstrues. Sur la tête talaq, le divorce, verset 4. ثم قال في السؤال 29 بعد 1000 1029e question. Maintenant, la veuve, celle dont le mari est mort et qui n'est pas elle-même enceinte. D'accord ? Elle n'est pas enceinte. C'est combien sa idda avant qu'elle ne puisse se remarier ? Elle, c'est 4 mois et 10 jours. Pendant 4 mois et 10 jours, elle est en deuil et ne peut se remarier qu'un autre homme. Ni s'embellir, ni réel zaleka. Et le dalil se colle la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. Que ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent derrière eux des épouses, d'accord, que celles-ci doivent observer une période de deuil durant 4 mois et 10 jours. Surat al-Baqara là-bas, c'est verset 234. Donc elle, pendant toute cette période-là, elle ne se parfume pas, elle ne s'embellit pas et elle n'a pas le droit de se marier. Elle ne sort pas de la maison de son mari également. ثم قال في السؤال 30 بعد 1000 1030e question. قال كم عدة الحامل. Maintenant c'est la femme qui est enceinte. Celle qui est divorcée qui est enceinte. Combien est sa période de viduité? قال il est intador. حملها juste ce qu'elle accouche. Même si elle est veuve, par exemple c'est une veuve, elle est enceinte, et ben sa idda elle va durer jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça prendra un autre jugement. Ou alors si elle est avec un mari qu'il a divorcé, c'est plus de maintenant 3 cycles. C'est toute la période où elle est enceinte. C'est-à-dire, s'il a divorcé en début de grossesse, elle aura ses 9 mois, si jamais c'est une grossesse de 9 mois. Et si jamais il a divorcé 2 jours avant qu'elle accouche, le jour où elle accouche, sa idda est terminée, elle n'est plus sa femme. Et pareil pour la veuve. La veuve, si jamais elle est enceinte, que son mari meurt par exemple au matin, et qu'elle accouche le soir, elle devient une femme libre et peut se remarier. Une fois que ses logis sont terminés. Bien évidemment que c'est purifié. Donc la femme enceinte prend un jugement précis par rapport aux autres. Naam. Et le dalil c'est quoi? Qala ta'ala wa ulatil al-ahmal ajluhunna yad'una hamalahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. At-talaq. Que les femmes qui sont enceintes, leur période d'attente est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et celui qui craint Allah, il lui donnera une facilité dans son affaire. Et celui qui craint Allah, Allah le facilitera. Donc on a fini maintenant ce chapitre qui touche à différentes masail fiqhiyah, diverses. Et après, on rentrera dans ceux qui sont maintenant des connaissances de façon générale diverses également. Bismillah ta'ala. Alhamdulillah.